Comme nous l'avons vu précédemment, chers amis à l'écoute, Jonas le prophète a fui la mission que Dieu lui avait confiée. Au lieu de partir pour la ville de Ninive en Assyrie, il s'est embarqué pour l'Espagne. Et lorsque la tempête a éclaté, il savait fort bien qu'il en était la cause, ce qui ne l'a pas empêché de descendre dans la cale du navire et de s'y endormir profondément. Il faudra que les matelots interviennent et le jettent par-dessus bord, qu'un monstre marin l'engloutisse, pour qu'enfin Jonas se mette à réfléchir, à prier et à revenir à Dieu. Le corps de Jonas était trop coriace pour que le grand poisson le digère. Après 3 jours, il a été rejeté sur le rivage. Le voyez-vous, ce prophète que les foules avaient précédemment acclamé, englué de la salive et des sucs gastriques du mastodonte qui vient de le vomir? Peut-être qu'en rassemblant ses esprits après son incroyable aventure, il tente de se sécher au soleil. Jonas n'est ni fier ni sûr de lui. La grandeur de Dieu l'a rendu tout petit. Maintenant seulement, il est disposé à écouter la voix de son Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Chapitre 3, versets 1 à 2. Le message de Dieu n'a pas changé, mais le messager a changé. Les hommes de Ninive sont toujours aussi méchants, mais les préjugés de Jonas à leur égard sont tombés. La grâce de Dieu s'est manifestée pour lui dans les profondeurs de la mer. Aussi ne peut-il plus s'opposer à être son porte-parole sur la terre. Il ira donc à Ninive. Beaucoup plus tard, l'apôtre Pierre écrira « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » 1 Épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Jonas a vu la puissante main de Dieu dans sa vie. Il a été profondément humilié. Il remplit donc les conditions requises pour devenir le plus puissant prédicateur de son temps, l'instrument du plus formidable réveil enregistré dans l'histoire. Un réveil dont les effets immédiats ont même dépassé celui de la Pentecôte à Jérusalem lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les premiers disciples. Pour Jonas, plus rien d'autre ne compte que d'obéir à l'ordre de Dieu. Aussi part-il sans hésiter pour la capitale des Assyriens, chapitre 3, verset 3. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Historiens et archéologues s'accordent pour dire qu'il fallait 3 jours pour faire le tour de Ninive. Le boulevard circulaire qui constituait son enceinte intérieure était la grande artère où se donnaient rendez-vous les magistrats, où siégeaient les tribunaux, où se traitaient les affaires importantes. Peut-être Jonas a-t-il voulu éviter le contact avec les autorités. De toute manière, il a traversé la ville de part en part, proclamant de toute la force de ses poumons « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Or, fait surprenant, toute la population a prêté attention à sa prédication. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leurs mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Versets 5 à 8. Je le rappelle, Ninive était une fort grande ville. La Bible nous dit qu'elle comptait 120 000 enfants en bas âge. Jonas 4, 11. Les historiens qui ont estimé sa population à environ 1 million d'habitants n'ont donc rien exagéré. Pourtant, les Ninivites ont tous été secoués par un profond mouvement de l'Esprit de Dieu, les poussant à la repentance. Les voyez-vous, ces chefs militaires, ces magistrats, ces grandes dames de la cour, ces princes et même ce roi, abandonnant leurs vêtements de pourpre et de fin lin pour revêtir des sacs? Ah, je me demande, comment ils ont pu trouver des sacs en suffisance pour en avoir assez, pour tous les habitants de la ville, et même pour en couvrir encore les bœufs et les brebis? J'essaye de me représenter tel commerçant vidant son sac de blé pour s'affubler comme tout le monde de cet accoutrement, signe d'humiliation et de deuil. Et pensez donc, pas un homme, pas une femme, pas un enfant, pas un vieillard, pas un esclave, pas un chef qui se permette d'avaler une bouchée de mil ou une gorgée d'eau. Et quel travail d'empêcher tous les animaux de brouter ou de s'abreuver. Bientôt, au mugissement des bœufs et au bêlement des brebis privées de fourrage et d'eau, se mêle une plainte languissante et toujours plus forte, puisqu'à l'époque, les lamentations s'élevaient sur les sons les plus aigus. Chacun pleure, chacun prie, chacun supplie, chacun demande pardon. Tous les Ninivites se cramponnent à un seul espoir. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Verset 9. Alors, pensez-vous que Dieu allait demeurer indifférent devant un tel repentir collectif et qu'il allait faire de la sourde oreille à cette prière articulée par tant de milliers de Ninivites? Lorsque la corruption des villes de Sodome et de Gomorre avait atteint sa cote d'alerte, Dieu les avait frappés du ciel. Lorsque le roi Hérode, persécuteur des premiers chrétiens, poussera le blasphème jusqu'à défier le Très-Haut, Dieu le frappera net. Mais lorsqu'un homme, une ville ou un pays s'amende de ses fautes, Dieu n'est-il pas prêt à lui pardonner? Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra. Il ne mourra pas, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Vous lirez ces versets dans Ézéchiel chapitre 18. La repentance des Ninivites fut unanime, profonde, sincère. Or, tout réveil véritable commence par la repentance. Ce fut donc vraisemblablement le plus grand réveil de l'histoire. Le Seigneur Jésus l'a du reste cité en exemple lorsqu'il s'adressait aux scribes et aux pharisiens qui n'avaient pas cru en lui. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Matthieu 12, 41. Non, il aurait été inconcevable que Dieu reste indifférent devant cette contrition collective. Celui qui avait accueilli un David repentant après qu'il avait commis adultère. Celui qui a prolongé le règne de l'impie roi Achab dès qu'il s'est humilié devant lui. Ou celui qui a fait grâce à l'odieux roi Manassé lorsqu'il lui a demandé pardon. N'allait-il pas tendre sa main de grâce vers tous ces Ninivites à genoux devant lui? Nous lisons chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ainsi, la grâce divine s'est étendue sur ces centaines de milliers d'habitants. Et ce n'est pas la seule fois dans l'Écriture où Dieu accorda, suite à la repentance, un sursis, une possibilité de survie, une prolongation de l'opportunité pour se convertir. Des siècles plus tard, l'apôtre écrira « La miséricorde triomphe du jugement ». Jacques 2, 13. Un principe qui demeure valable encore aujourd'hui. La repentance demeure néanmoins la condition indispensable pour que Dieu manifeste sa miséricorde envers les perdus et accorde un réveil au sein de notre société matérialiste et indifférente à son égard. Mais comme à Ninive, il faut que l'homme soit d'abord convaincu de péché et consente à s'humilier devant Dieu. Alors seulement découvrira-t-il comment Dieu est venu à sa rencontre, comment il a donné son Fils unique pour porter la culpabilité de son péché sur la colline de Golgotha et comment son sang expiatoire versé à la croix peut le réconcilier avec Dieu. Il y a 2700 ans, Dieu a patienté avec les Ninivites, leur fournissant, par la prédication de Jonas, une dernière occasion de s'amender de leurs fautes. Or, en notre fin de siècle, Dieu patiente encore avec l'humanité. Il consent à sursoir à un jugement, pourtant inévitable, parce qu'il ne souhaite pas le malheur des hommes, car il les aime tous. L'apôtre Pierre écrivait « Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. chers amis à l'écoute de ce programme, le Seigneur Jésus patiente aussi avec vous. Il ne veut pas votre malheur, votre punition, votre perdition éternelle. Il use de grâce envers vous. Il recommence avec vous. Il vous tend la main. Il vous offre son amour. Il vous ouvre son cœur parce qu'il a compassion de vous. Et comme il n'y a aucune possibilité de repentance et de salut après la mort, Dieu vous supplie de répondre à ses appels. Il insiste même auprès de vous, sachant bien que le lendemain ne vous appartient pas. Alors, face à l'ampleur de sa miséricorde et à l'immensité de son amour pour vous, ne voulez-vous pas reconnaître vos fautes, les confesser et les délaisser, puis vous jeter aux pieds du Dieu vivant et croire en lui, comme l'ont fait les Ninivites il y a 27 siècles, sur la parole de Jonas, le messager du ciel ?